Demain je vois Marie rue Saint-Rémy, aux alentours de midi un bol de riz, et un poulet au curry et elle qui rit, et moi qui joue mon roupie, et puis leur hache. On a trop fumé le hache et on se lâche, sur la musique de Bach, la minute M. Juste à la fin de l'après-midi, y'a plus de problème, je vais lui dire je t'aime. J'y vais, je mets un grand E à envie. J'y vais, je mets un grand X sur ennui. C'est la nuit N, ressent-elle ma gêne sous l'halogène? Ça va vite, tout s'enchaîne, la seconde S. Je voudrais pas qu'elle cesse la grande caresse, car c'est plus l'heure des promesses, la grande semaine. Au téléphone, je l'aime, rien ne nous freine. Je l'ai même dit à Hélène, et le moins M. Où est-ce qu'elle m'emmène? J'ai plus de flemme. Je la présente à Hélène. J'y vais, je mets un grand E à envie. J'y vais, je mets un grand X sur ennui. Et j'écris un grand B à ma vie. Un grand V à ma vie. C'est l'année A, si longtemps que j'attends ça, j'y croyais pas. Attendre c'est un affurnage, j'ai une villa, là tout au creux de ses bras quand je suis là. Le malheur je ne le vois pas, parfois on gâche une toute petite heurache et tout est gris. Juste le temps d'un jour J, c'est pas grand chose. Sur notre océan tout rose, maintenant qu'on ose ne plus rester porte close. J'y vais, je mets un grand E à envie. J'y vais, je mets un grand I sur ennui. Et j'écris un grand V à ma vie. Un grand V à ma vie. Parfois je me dis que de bonheur pour moi ici, mes joies aussi partout. Plein de gens qui s'ennuient, qu'on jamais ri. En mangeant un bol de riz, rien de pire que de se sentir un roupi. Le monde est gris, c'est tout ce qu'ils ont appris, ça se guérit. Il en faut des décennies, parfois une vie, pour finalement un roupi et son jour J, rue Saint-Rémy à midi. Ils iront mettre un grand E à envie. Ils iront mettre un grand X sur ennui. Écriront un grand B à leur vie. Grand V à leur vie.